Portrait, une émission de Mike Lécuyer qui vous propose en quelques titres de retracer le parcours de musiciens qui ont marqué l'histoire du blues et du rock. Portrait. Mike Vernon est un musicien, producteur musical et propriétaire de studio anglais. Il a produit des albums pour des artistes et groupes britanniques de blues dans les années 1960 et 1970, travaillant notamment avec John Mayall, David Bowie, Buster Bennett, Savoy Brown, Chicken Shack, Climax Blues Band, Eric Clapton, Fleetwood Mac, Peter Green, 10 Years After, Ansel Dunbar, etc., etc. Mike Vernon est né le 20 novembre 1944 à Harrow, dans le Middlesex, en banlieue nord de Londres. Il s'intéresse à la musique dès son plus jeune âge, en écoutant les 78 tours de son père et de ses amis. Il chante à l'église avec son frère Richard et sa mère. Après le jazz, il découvre le rock and roll au milieu des années 1950, puis le blues et le rhythm and blues. Au collège, il se lie d'amitié avec Nils Lavin, décédé en 2023, guitariste amateur et passionné de blues qui lui fait découvrir les bluesmen américains. À Croydon, au sud de Londres, où il poursuit ses études, il assiste à ses premiers concerts de blues donnés par les précurseurs anglais du mouvement que l'on appellera plus tard le British Blues Boom, c'est-à-dire Alexis Corner, Cyril Davis, ainsi que des musiciens débutants qui formeront les Yardbirds et les Rolling Stones. Il décide d'arrêter ses études et parvient à se faire engager chez Decca Records en 1962. Sans expérience, il se passionne pour la production en studio d'enregistrement. Le premier album produit par Mike Vernon est In London, du pianiste-chanteur afro-américain Curtis Jones, en 1964. It's lonesome in my bedroom. Just me, myself alone. It's lonesome in my bedroom. Just me, myself alone. I have no one to love me. Each night when I come home. L'année suivante, il crée avec son frère Richard Vernon et son ami Nils Lavin la revue Rhythm and Blues Monthly, mais qui ne dure que 2 ans. En 1965, en parallèle à son travail chez Decca et toujours avec Nils Lavin, Mike Vernon annonce dans le numéro 13 de sa revue le lancement de leur label Blue Horizon, dont le premier 45 tours simple est Hugger Sumlin, pressé à 99 exemplaires. Hubert Sumlin, guitare solo, et Nils Lavin, deuxième guitare. 1966, à 22 ans seulement, il produit pour Decca l'album de John Mayall Blues Breakers with Eric Clapton, qui deviendra le maître étalon du British Blues Boom. Never knew what I was missing. All your love, pretty baby, that I got in store for you. All your love, pretty baby, that I got in store for you. I love you, pretty baby. Well, I say you love me too. Une pléiade de disques que l'on ne peut pas tous citer, comme par exemple Peter Green's Fleetwood Mac, Chicken Shack, Savoy Brown, Duster Bennett, 10 Years After, Climax Blues Band, ainsi que des artistes afro-américains comme Otis Pan, Eddie Floyd, Bukka White, Johnny Shines, Champion Jack Dupree, Freddie King, J.B. Lenoir ou J.B. Lenoir. On écoute le premier album de Fleetwood Mac avec Peter Green, Stop Messing Around. You're messing around all the time. Now if you don't stop messing around, you'll be somebody's baby instead of mine. Yeah. le plus gros succès commercial de Fleetwood Mac, avec plus d'un million de 45 tours vendus en 1968, plus une réédition tout aussi gagnante en 1973. C'est un instrumental, Albatross, par Fleetwood Mac. Vous écoutez Portrait, une émission de Mike Lécuyer. I'm cracking! I'm cracking! I'm cracking! I'm both so long, I'm both Norris, Doris, and Boris along, and I said, I'm cracking! Love me, that's what you said. You know you're driving me crazy, baby, right out of my head. Please don't back down now, baby. Oh, you got me sighing. You play around with my heart, woman. Yeah, my baby's got me crying. Please believe me, darling. Come on back tonight. My friends say I'm crazy, but please don't prove them right. Come along now, woman. Just come back through my door. 'Cause if you don't, baby, yeah, you're gonna have me crying forevermore. Un de mes disques préférés du label Blue Horizon est OK Kane par le groupe Chicken Shack, paru en 1969, avec au chant soit le guitariste Stan Webb, soit la pianiste Christine Perfect, futur Fleetwood Mac par son mariage avec John McVie. Well, do you think stardom's affected you at all, Mr. Webb? Well, no, dear. I really don't think it has, because you know, I mean, I've ever since, you know, had my operation, I've really been much different. Yes, I can see that, Mr. Webb. What are you going to do for us? Well, I like to do a number which is very Buffles indeed, and it's a little number called Mean Old World. This is a mean old world. rags and gold. Yes, I guess you really don't love me. I'm just an unlucky so-and-so. Chez Decca et son label satellite Deram Records, il produit également quelques artistes plus pop comme David Bowie et Rod Stewart à leur début. Après Blue Horizon, il fonde également les labels Purda, Code Blue et Indigo, ainsi qu'une maison de disques Brand New Productions avec des groupes comme Olympic Runners, Rocky Sharp et Dr. Feelgood. En 1971, Vernon et son frère Richard créent les Chipping Norton Recording Studios dans une ancienne école du nord-est de Londres, où vont être enregistrés entre 1972 et 2000 de nombreux disques à succès comme ceux de Gary Rafferty, Status Quo, Duran Duran ou bien encore Radiohead. Mike prend sa retraite en Espagne au début des années 2000, mais il continue à produire quelques albums de Donny Wilde et de Holly Brown, de Lawrence Jones ou encore de Surrey Shore. Mike Vernon, en plus de son rôle de producteur, était aussi musicien. En 1971, il publie son premier album, Bring It Back Home, chez Blue Horizon. Il chante, compose et joue de la basse. En 1973, il publie l'album Moment of Madness chez Sire Records. Il est également membre du groupe Olympic Runners et du groupe Rocky Sharp and the Replays sous le pseudonyme d'Eric Rondo. Pendant sa retraite espagnole, il enregistre l'album Just a Little Bit sous le nom Mike Vernon y Los García. Et en 2017, A Little Bit More sous le nom Mike Vernon and the Mighty Combo. En 2018, il publie son dernier disque, Beyond the Blue Horizon, chez Manhattan Records, sous le nom Mike Vernon and the Mighty Combo, dans un style swing, rhythm and blues. Avec son groupe, il part promouvoir son disque dans une dernière tournée européenne. Having spent the best part of 55 years of my life in recording studios, I'm starting to feel somewhat restless. What to do? I know! I'll form a band and become a born-again rhythm and blues singer. Taxi! I got a hot little mama, the boy she's fine. She sends those heatwaves up and down my spine. She's got a million-dollar figure, and there's no doubt. Without the whole fire brigade, they can't put her out. She's my hot, hot little mama. We've got old songs and new songs, whether it be Johnny Guitar Watson, Fats Domino, or yours truly. But be sure of one thing, we're gonna rock the joint. Whilst we continue to honour the greats, watch out in 2018 for our debut CD. Many a new song there. With my Kansas City baby, my bottle of Kansas City wine. And I might take a train, I might take a plane, but if I have to walk, and I'm going just the same. Yeah, Kid Carlos tearing it up on the original slow blues, Old Man Dreams. Next time you see me, things won't be the same. Next time you see me, things won't be the same. And if it's you and I, you'll have yourself. Now, finale time. We're about energy and about having a good time, and totally committed to entertaining our audience. Good, solid, old-time, rockin' rhythm and blues with a boogie-woogie beat. You know, we're really looking forward to seeing everybody. Where's my taxi? Mr. Blackbird and octobre 2013, il reçoit un Gold Badge Award de l'Académie britannique des auteurs-compositeurs en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à la musique. Il est fait membre de l'Order of the British Empire, MBE, en 2020 pour service rendu à la musique. Mike Vernon décède le 2 mars 2026 à l'âge de 81 ans. Il nous reste une pléiade de disques pour nous rappeler son rôle essentiel dans la diffusion du blues en Angleterre et dans le monde entier. Merci Mike. Voici une petite liste, toute petite liste, d'artistes qu'il a produits ou enregistrés. Hubert Sumlin, Eddie Boyd, Champion Jack Dupree, Mickey Baker, John Mayall, Eric Clapton, The Art Woods, David Bowie, Savoy Brown, Ten Years After, Chicken Shack, Johnny Shines, Fleetwood Mac, Peter Green, Jelly Bread, Sonny Lon Slim, Bacon Fat, Christine McVie, Focus, Robin Ford, Freddie King, Jimmy Witherspoon, Olympic Runners, Climax Blues Band, Edwin Starr, Dr. Feelgood, Level 42, Rocky Sharp and the Replays, Johnny and the Rocos, Rod Stewart, Huey Wilson, Bo Diddley, Eric Bibb, Candy Kane, Danny Wilde, Ollie Brown, Mike Vernon, Ilos Garcia, Mike Vernon and the Mighty Combo. C'était l'émission Portrait. Bonsoir.